Si je te dis que j'ai pas de peur, pas d'angoisse, ça serait de mentir, mais c'est peut-être pas l'heure, pas l'endroit pour mes ressentis. J'avoue, c'est vrai, j'ai pas mal menti. De toute façon, ce monde, c'est qu'une grosse farce, je l'ai vite compris. Faut cerner les méprisants, tomber le masque de ces zombies. Évite les manipulations, tu pourrais finir zombie. J'acquiesce la tête, mais j'ai pas tout compris. Est-ce qu'ils essaient de nous la mettre, de s'en tirer à bon prix? Parfois, on choisit le mensonge, quitte à passer pour une ordure, c'est qu'on a choisi ce mensonge. La vérité était trop dure pour l'amour, pour l'argent, pour l'orgueil, je nous ai vu mentir. On sait que tout ça nous perdra, on fait encore pire. Pris au piège dans nos conneries, comment s'en sortir? On sera meilleur dans une autre vie, hein, laisse-moi gollerie. Une grosse farce, notre monde, la mauvaise voix de l'homme accentue notre père, la femme mettra de l'homme. Y'a beau fils bâtard, je casse des bras depuis mon début ici. Les langues de pute me font juste une ombre de plus. Je viens du terre-terre, je suis déter dans le sens. C'est une balle pour chaque mot de travers, je suis le détecteur de mensonges. On coupe des têtes, c'est pas la peine, c'est nous les vrais. Nous les vrais. Écoute les textes, c'est toi la plaine, c'est nous les vrais. Nous les vrais. Je suis dans le maquis, bien trop street pour changer de veste. Mes principes sont bien trop street. Tu risques de te manger le verre. Manger le verre. Danger grave et même les mômes sont ingérables. À 14 piges, tu fumes, tu bois, t'es plus au mais tu mens déjà. Y'a que devant le micro que je garde un peu de discipline. Je m'en fous de ces mythos quand je me crame un petit spliff. Ce soir on vit à 10, demain on sera moins. Franchement, je te le dis vu que je ressens ta jalousie quand tu me serres la main. Je t'accorde pas ma confiance, même si tu deviens mon domestique. Un pauvre fils, déjà 3 tours d'avance sur toi, faux MC. Y'a que la vérité qui blesse et ça tu peux pas le négliger. T'as rien pigé, pourtant mentir serait un acte à exiger. Mépriser, tu comprends pas pourquoi tes sauces t'ont mis de côté. Maîtriser tes rôles pas si tu veux pas finir ligoté. J'opère un sample quand c'est pas vrai, ça je laisse à ton beatmaker. J'aime parler franc mais je suis navré si je te dis que ton beatmaker. Mais là c'est pas le cas, pour ça que je viens balancer des vérités. Niquer les faux gars avec toujours autant de sévérité. C'est mérité, viens vérifier, c'est certifié, je viens d'effriter. Un sale menteur qui pourtant passait toute sa vie à méditer. La face atrophier ton atrophée, mais t'es trop faible, je fracasse. Le trophée déclare forfait, je nique les faux frères. Sale garce, je suis le prophète mais je suis trop bête, mec il faut le faire. Ça se gâte mais moi je te décris simplement ce que mes yeux projettent. Mensonge ou vérité, t'auras aucune insulte à fuir. Range ton couteau, tu peux pas me cuisiner car je suis un dur à cuire. On voulait être honnêtes tous, mais on se ment nous-mêmes cousin. C'est la même pour tous, regarde où ça nous mène tout ça. On se mange le peu de confiance qu'on obtient, c'est déprimant. Comme un match de foot féminin. Même si me parle pas ton courroux, va parler au mur si tu m'étonnes. Joue pas les durs, je sors le flot d'Eton. Je profite pas du rap pour m'inventer une vie, mais on me comprend pas. Comme si je parlais le noir, sans Yougoslavie, je recherche la vérité autant que le mensonge. Car on va m'irriter la conscience pendant des plombes. La tête dans un amassi de conneries chaque jour. Certains voudront cacher ta lumière comme un abat-jour abat-sourd. Qui parfois c'est le bordel dans nos deux, t'es mal traité les autres. Si c'est bien, ça le veut souhaiter. C'est quoi crâne à profit, n'efface ses supras. Ce soir, c'est pas du mensonge, mais du vrai rap que tu souperas.